Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie de participer à ce colloque. Je suis anthropologue et c'est la première fois que je participe à un colloque vraiment de sociologue. Et je suis ravie de confronter mon travail à une majorité de sociologues. On est deux. Ah. Trois même, ouais. Trois. Alors donc ma communication s'intitule « Les saints des pauvres, représentations, caractéristiques et enjeux du catholicisme populaire en Argentine » à partir des deux cas que je vais vous présenter, du Gauchito Gil et de Saint de la Muerte. Donc en Argentine, depuis une vingtaine d'années, se développent les cultes de deux saints non reconnus par l'Église, mais qui sont vénérés et considérés comme très miraculeux par des milliers de fidèles, donc le Gauchito Gil et le Saint de la Muerte. Ces cultes étaient restés cantonnés jusqu'à une trentaine d'années au nord-est de l'Argentine, et plus particulièrement à la province de Corrientes, et ils se sont mis à circuler dans l'ensemble du pays, en particulier vers les grandes villes et les périphéries des grandes villes, et puis on les retrouve aujourd'hui aussi sur Internet. Donc le Gaucho Gil et le Saint de la Muerte, qui sont originaires de la province de Corrientes, là où j'ai fait mon travail de terrain, ne sont pas des cas isolés. Hein. Il existe en Amérique latine de nombreux saints du même type, des héros populaires qui ont été canonisés en dehors de l'institution et dont les récits biographiques se déroulent en général aux marges de la loi et de la morale dominante, et donc leur culte en dehors de l'institution, bien que leurs fidèles se désignent comme catholiques et qu'ils vénèrent par ailleurs les saints officiels du catholicisme. Cependant, pour l'Église, ces saints-là ne méritent pas la reconnaissance, et ce sont des cultes qui sont très largement stigmatisés par le discours dominant et qui est transmis par les médias. Et donc il y a plein d'associations qui sont très réductrices et stigmatisantes autour de ces cultes-là. On dit par exemple de José Gregorio Hernández au Venezuela qu'il serait le médecin des pauvres, de Sarita Colonia au Pérou qu'elle serait la patronne des délinquants et des prostituées, de Jesús Malverde au Mexique qui serait le protecteur des narcotrafiquants, de la Santa Muerte et du San de la Muerte en Argentine qui serait à l'origine de sectes, et du Gauchito Gil que ce serait le saint des voleurs. Donc d'un bout à l'autre du continent, la perception exogène de ces cultes est très négative, et on réduit ces cultes à leurs aspects les plus triviaux et les plus exotiques. Alors c'est une réalité, les groupes les plus marginaux des périphéries et des bidonvilles sont souvent dévots de ces figures-là, parce que ce sont des figures qui mettent en scène des situations de violence et d'injustice qui sont en fait leur lot quotidien, mais en fait ces cultes sont très loin de se réduire à ces marges extrêmes, on va dire, et ils concernent une immense partie de la population qui font partie des classes populaires, voilà, mais qui ne sont pas tous dans la marginalité. Alors, en Argentine, ces saints ont d'abord été étudiés comme des phénomènes comme des adaptations locales des processus de canonisation de l'Église officielle, comme des interprétations un petit peu naïves du culte des saints. Puis, il y a eu une seconde vague d'interprétations qui a associé ces cultes à une forme de revanche symbolique des pauvres, qui les a articulés à des phénomènes de résistance à une situation de domination. Par exemple, il y a certaines analyses de Michel de Certeau qui ont montré que ce type de dévotion était des façons de constituer des lieux de résistance et de subversion de l'ordre établi. Alors, plusieurs auteurs argentins ont remarqué que cette conception, qui correspond un peu à la lecture proposée par Bourdieu de la culture populaire comme ce qui conteste ou ce qui n'est que le reflet de la domination symbolique, sont des interprétations un peu réductrices qui identifient le populaire et le subalterne avec les manques et les limites de la pauvreté. Et donc je voudrais essayer de montrer comment est-ce qu'il faut aller au-delà de ce type d'interprétation, puisque puisque ces interprétations-là ne permettent pas de voir tout un ensemble d'autres choses qui caractérisent ces phénomènes. Donc dans mon travail de thèse, j'ai essayé de montrer qu'il fallait aller au-delà de la conception classique de ces dévotions comme des outils de subversion de l'ordre, pour comprendre en quoi ces dévotions sont peut-être d'abord des formes de construction d'identité autonome, des identités qui sont caractérisées par la multiplicité et qui sont hétérogènes par rapport au discours identitaire national et hégémonique en Argentine. Alors, donc je vais vous présenter un peu les deux saints. Donc le Gauchito Gil, donc la légende, hein, c'était un peon d'estancia, un gaucho qui travaillait pour un grand propriétaire terrien dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui a été recruté de force pour participer à la fois aux guerres civiles, bon, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, et à la guerre contre le Paraguay qui a été menée par l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay en 1865, pendant 5 ans. Il a été enrôlé donc dans cette guerre-là et il a déserté parce qu'il ne voulait pas lutter contre ses frères. Et pendant son année de désertion, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, il a fini par être retrouvé par la police et exécuté. Avant d'être exécuté, il avait pourtant prévenu son bourreau en lui disant que le sang innocent fait des miracles. Ça n'a pas loupé puisque après son exécution, il a commencé à faire des miracles et jusqu'à aujourd'hui, il fait beaucoup de miracles. Voilà, le second saint, donc c'est le saint de la Muerte, lui aussi était poursuivi par le pouvoir et pour son insoumission. C'est en tout cas la légende qui circule le plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, pareil, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est un saint très, très hétérogène, il y a plein de versions différentes de son histoire. Mais la légende la plus diffusée actuellement raconte que San de la Muerte était un moine jésuite ou franciscain et qui était resté dans la province de Corrientes après l'expulsion des jésuites à la fin du XVIIIe siècle, et il soignait les pauvres, les indigènes par l'imposition des mains. Donc il avait des dons de guérison et donc il a été considéré comme hérétique par le pouvoir ecclésiastique et accusé de sorcellerie. On l'a donc enfermé sans le nourrir, etc., jusqu'à ce qu'on ne retrouve dans sa cellule que sa toge, sa bure de moine sur son squelette. Voilà, et lui aussi, depuis, il est très, très miraculeux. Voilà, donc en Argentine, ces dévotions, elles cristallisent des oppositions internes qui séparent les classes possédantes et les classes pauvres, qui est un clivage qui est hérité du rapport colonial et qui recouvre donc d'autres oppositions, notamment celle de Buenos Aires et des provinces de l'intérieur, et celle des oppositions de couleur. Mon enquête ethnographique à Mercedes révèle que, malgré les discours dominants qui associent les saints à la délinquance, que la majeure partie des fidèles est constituée d'individus qui sont plus ou moins modestes, mais qui respectent les normes juridiques de l'État, malgré une situation économique et sociale assez vulnérable, et qui se désignent, comme je le disais, comme catholiques, apostoliques et romains, ou encore plus simplement comme chrétiens. Au niveau local, donc, il faut savoir que les représentants de l'Église accompagnent le culte au Gaucho Gil, un peu moins le culte au Saint de la Muerte, et ils ont publié une neuvaine en honneur au Gaucho Gil. Pour les tenants de la bourgeoisie nationale, qui ne se reconnaissent pas évidemment dans ces symboles, ils les situent résolument du côté de la barbarie et du mal, en élaborant des équivalences entre dévotion et déviation, entre indécence et délinquance. Beaucoup d'Argentins regardent donc ces pratiques avec mépris ou incompréhension. Une partie de l'Église officielle les traite comme des résurgences païennes. Alors je vous cite quelques propos, par exemple, trouvés sur Internet à propos de la publication de la neuvaine en honneur au Gauchito Gil. Donc une personne écrit « Le personnage en question n'était ni plus ni moins qu'un voleur et modestement, nous pensons que les taudis torchons rouges qui jalonnent les routes de notre pays pourrait être purifié avec une allumette et du kérosène plutôt qu'avec l'édition d'une neuvaine en son hommage approuvée par un évêque et par l'agence catholique officielle de l'épiscopat. » Voilà, ces propos qui sont relativement violents sont représentatifs du point de vue d'une partie importante de la classe haute classe moyenne et haute argentine à l'égard des cultes en question. Un autre commentaire, trouvé aussi sur Internet, assez lapidaire, mais du même ton, disait « Pourquoi n'adorez-vous pas le Christ et arrêtez de célébrer toute cette poubelle ?» Donc on voit bien à travers ces commentaires que le Yautitoril et le Saint de la Muerte sont des objets qui sont en jeu d'autre chose qu'eux-mêmes, en jeu d'autre chose que simplement du religieux, des objets autour duquel s'énoncent les rapports sociaux. Ils donnent une forme visible à ces rapports sociaux et de ce fait suscitent des prises de position à propos d'autre chose que la croyance religieuse. À Mercedes, où se trouve le sanctuaire du Yautitoril, aller au sanctuaire ne va pas de soi pour une partie des habitants de Mercedes. Voilà, pour vous citer un autre commentaire d'un propriétaire terrien de la ville de Mercedes, il m'expliquait que je me souviens qu'avant, il y a environ 30 ans, ce n'étaient pas les gens décents, respectables, qui vénéraient le Yautitoril, c'était les gens plus humbles. Parler du Yautitoril dans la société urbaine, dans l'église principale de la ville, c'était comme dire un gros mot. Donc la bourgeoisie catholique, l'oligarchie locale, classe bien ses saints du côté du mal, mais aussi du sale et du mauvais goût. Donc ces commentaires révèlent bien le fait que ces dévotions donnent prise à l'expression d'un conflit social. Donc une des fonctions de la religion et des rites est d'assurer la cohésion du groupe en lui proposant des signes de reconnaissance différentiels. Le Yautitoril et le Saint de la Muerte sont à la fois des signes d'appartenance, des supports personnels de méditation ou de réflexion et des fétiches qui sont chargés d'une sorte de pouvoir. Mais la fonction de ces signes, elle demeure avant tout sociale. Et celui qui se les approprie dit quelque chose sur lui-même en les exposant, mais il dit aussi quelque chose de l'autre. Il montre à l'autre sa différence d'avec lui. Donc la dimension matérielle et esthétique des dévotions permet de constituer une communauté et elle contribue donc à l'expression du conflit social en opposant une résistance symbolique à l'invisibilisation qu'ont subi les classes populaires et métisses de l'intérieur du pays. Le philosophe Guillaume Leblanc explique que l'effort pour exclure consiste à rendre invisible, je cite, à reléguer hors de la vision quelque chose qui persiste comme une présence vitale inadmissible. Or, les petites constructions, là on voit quelques photos des hôtels qui jalonnent les routes du pays, ces petites constructions, elles s'imposent à la perception des automobilistes ou des passants, et donc elles mettent littéralement sous les yeux ce que l'on s'attache d'habitude à ne pas voir ni regarder. Donc les hôtels du Yautitoril et les sanctuaires de Saint de la Muerte posent le problème de la précarité en la rendant visible. Il y a une forme une esthétique de rupture qui est inventée par les fidèles pour faire voir autrement les événements et les réalités sociales et historiques du pays. Et donc cette esthétique-là, elle s'inscrit dans une lutte symbolique que les différents groupes de statut mènent entre eux, pour reprendre un peu les catégories de la distinction proposée par Bourdieu. Donc les classes populaires, pour manifester leurs différences, inventent des signes, alors non pas de richesse symbolique, hein, mais de pauvreté symbolique. Les cultes consistent en une matérialisation d'une esthétique de la précarité. Les hôtels sont construits avec des matériaux sans noblesse, souvent récupérés, du bois, du ciment, de la tôle. Ils se transforment constamment, ils grandissent, ils sont abandonnés, puis ils sont reconstruits ailleurs. Ils ne sont pas faits pour durer, et donc ils contrastent en ceci fortement avec l'esthétique monumentale chrétienne. Voilà, donc le Yautitoril et Saint de la Muerte, par cette esthétique, ils viennent perturber un petit peu le champ de la représentation et désordonnent le champ visuel. L'image menaçante de la mort avec le Saint de la Muerte, le rouge cramoisi, les bouteilles de plastique, de Coca-Cola qu'on retrouve sur les hôtels, tout cela vient un peu choquer et provoquer les normes esthétiques dominantes. Donc on voit bien encore à travers ces exemples, cette question de la symbolisation, qu'il y a une forme de lutte symbolique à travers ces cultes, mais la question que je voudrais poser, c'est en quoi cette lutte symbolique a-t-elle quelque chose à voir avec l'émancipation politique ? les légendes du gaucho Gil et de San de la Muerte peuvent être vues comme des plaidoyers en faveur des exclus, des insoumis, des marginalisés, en faveur des victimes du pouvoir et de l'injustice. Mais est-ce que ces récits peuvent constituer des ferments d'une émancipation politique, d'une conscience pré-politique, comme a pu proposer Hobsbawm, ou infra-politique, pour reprendre James Scott, voire d'une révolte sociale. Michel de Certeau a notamment analysé ce type de manifestation comme des manifestations de résistance, des moyens de subvertir l'ordre établi. Mais qu'est-ce qu'implique cette résistance du point de vue de l'action politique? Les théories des arts de la résistance ou de la revanche symbolique des pauvres, aussi séduisantes soient-elles, me semble-t-il, éludent un petit peu vite la question, sinon de l'aliénation des classes populaires, en tout cas le conformisme des dominés, et puis surtout elles n'épuisent pas la richesse des deux objets de dévotion. Alors, pour revenir sur cette question de l'aliénation, de la dimension politique du coup de ces cultes, les croyants savent en général très peu de choses de la vie du gauchito Gil et de San de la Muerte et des enjeux des événements historiques qui entourent leur mort. On sait en général que le gaucho Gil a déserté, qu'il n'a pas voulu lutter contre ses frères, que le San de la Muerte était un moine qui soignait les pauvres. Il y a un écart impressionnant entre la production littéraire autour des légendes et puis la relative indifférence en fait des fidèles sur ces histoires-là et sur ce qu'elles mettent en scène. Ce qui est important pour les fidèles, c'est le fait que ces saints sont miraculeux et qu'ils permettent de sauver certaines personnes dans des situations particulièrement compliquées. Il faut aussi souligner par ailleurs, pour cette question de la conscience politique, que la plupart des demandes qui sont faites au gauchito Gil et à San de la Muerte concernent des problèmes qui viennent d'une situation sociale défavorisée, et donc on attend une réponse surnaturelle pour ces manques qui sont dus à la situation sociale. Donc la situation d'inégalité, elle est interprétée comme un état naturel et qui appelle une réponse qui ne peut être par contre que surnaturelle. Le moteur donc de l'invention de ces dévotions est selon moi moins la critique sociale, la volonté de renverser l'ordre établi, que la nécessité d'exister malgré l'invisibilité sociale et de trouver des récits et des personnages qui sont propres à symboliser l'identité ou plutôt la différence. Si les cultes n'admettent pas de concrétiser ce qui est dénoncé par une proposition sociale ou politique, ils apportent par contre un sens culturel, ils permettent de dessiner un ethos singulier, une manière d'être, pour des populations stigmatisées et dont l'histoire n'a pas été transmise au niveau officiel. Donc il s'agirait alors moins de résistance que de créativité. Dans l'introduction d'un ouvrage sur la culture populaire, deux chercheurs argentins remarquent que les sociologues Grignon et Pascon ont proposé une interprétation de la culture populaire qui permet de dépasser l'a priori selon lequel c'est l'intérêt pour la subversion de l'ordre qui caractérise avant tout les classes populaires et qui constituerait le moteur de la culture populaire. Et ils proposent donc de dépasser la dichotomie entre d'un côté l'interprétation qui fait des productions culturelles populaires l'incarnation d'une conscience de classe, donc les saints populaires sont des saints, le gaucho Gil et le saint de la Muerte sont des saints transgressifs et contestataires, et puis de l'autre l'interprétation qui considère ces saints comme le résultat d'une aliénation. Les saints populaires ne sont qu'une déformation ingénue ou naïve, païenne, du culte des saints catholiques. On peut dépasser ces deux types d'interprétations en redonnant une place centrale à la créativité et à l'invention. Donc dans les cultes au gauchito Gil et à San de la Muerte, il ne s'agit pas pour les dominés de dénoncer l'ordre social ou d'être reconnus par les autres ou par l'Église, mais bien de fabriquer leur propre espace d'autonomie, leurs propres normes, leur propre culture. Les fidèles imposent leurs paroles et leur mode de problématisation de l'identité dans l'espace public. Il s'agit donc d'actes d'affirmation d'une singularité. Et les espaces de créativité, les espaces de la dévotion correspondent plutôt à des espaces de mise en suspens de la domination plutôt qu'à des espaces de lutte contre la domination. Donc l'enjeu premier des cultes n'est pas de critiquer l'ordre social, mais de s'arracher à la relation pour se donner à soi une autre instance d'existence, pour affirmer une singularité. Donc la relativisation de la portée émancipatrice aux contestataires de ces figures de recours permet de rendre à la religion populaire sa spécificité dans la dépendance, son autonomie malgré sa position de dominé, et d'ouvrir de nouvelles perspectives théoriques. Les cultes au Gauchurri et à San de la Muerte ne sont pas seulement une revanche symbolique des pauvres, une résistance à la domination. Ils ne s'inscrivent pas seulement dans un conflit de classe, mais ils sont aussi et peut-être d'abord un moyen de cristalliser, de représenter, de transmettre une identité régionale singulière, une identité qui, dans le nord-est de l'Argentine, est l'héritière non seulement de la culture européenne, mais aussi de la culture indienne guarani. Et donc la catégorie d'analyse classe sociale n'est sans doute pas suffisante pour comprendre toute la richesse de ces dévotions. Il y a aussi toute une dimension culturelle et de l'identité culturelle qui explique l'invention de ces cultes. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.